Radiomatic. C'est au duo américain Monstrum Sepsis que revenait la responsabilité d'ouvrir cette transmission 069 d'Audiomatic. C'est leur composition Doors and Windows qui introduisait l'émission, pièce tirée de leur album Deep Sea Creatures, paru en 2002. Paul Karlick et Rob Vance ont fondé Monstrum Sepsis en 1996 alors qu'ils étaient étudiants en multimédia et en animation assistée par ordinateur au Illinois Institute of Art de Chicago. Les électronistes constatent que de nombreux artistes réinventent constamment leur propre empreinte sonore grâce à la musique électronique. Comme si ce n'était pas assez, ces derniers se font réinventer par d'autres artistes qui ajoutent leur démarche créative à celle de leurs contemporains, décuplant ainsi les possibles sonores. L'art du remix, comme on l'appelle couramment, permet en effet aux compositeurs de substituer des informations sonores par d'autres, de les altérer et de les recomposer selon leur propre vision. C'est d'ailleurs tout ce processus créatif construit d'inter-influence que nous inspire la pièce qui va entamer la prochaine séquence musicale. Skip Divided fut créé à l'origine par Tom York du groupe Radiohead et le projet Mod Selector nous offre dès maintenant sa version remixée. Skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip, divide, skip. I'm in a skip divided malfunction. I flap around a dive bomb, frantically around your life, enveloped in a sad distraction. I got a voice repeating endlessly. Could you guide me in? Could you smother me? I swoop around your head, but I never hit. I'm blinded by electric veins pass through me. I thought there was this big connection. I only got my name, I only got this situation. press your elliptical caress down, look into your eyes, cause you're desperately in love, in love, in love. Oh, when you walk in a room, everything disappears. When you walk in a room, it's a terrible mess. When you walk in a room, I start to melt. When you walk in a room, I follow you. Nous écoutions à l'instant le projet Tapage et la pièce 4 of 6 de son plus récent album intitulé 5 and 6, paru en 2015. Avant Tapage, l'artiste équatorien Nicolas Cruz nous offrait sa version de la pièce Nos Habla El Maíz, composée à l'origine par la formation Paloma del Cerro. Vous pouvez trouver cette version ainsi que plusieurs autres pièces de l'album Parabien de Paloma del Cerro, remixées par différents projets sur l'album Parabien Remixes. Celui-ci est disponible gratuitement sur la page Bandcamp de Paloma del Cerro. Et parlant de remix, c'est le groupe Mod Selector qui, tout juste avant, nous faisait part de sa version remaniée de la pièce Keep Divided, composée originalement par Tom York. Cette version se trouve sur l'album The Eraser Remixes qui, comme son nom l'indique, regroupe des versions remixées de pièces de l'album Eraser. Et comme si tout cela avait été finement planifié, de Tom York, nous passons à Radiohead, toujours à Audiomatic. vous êtes assez fait. 89.1. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage qui. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'émission s'appelle Assemblage requis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Un écrivain reste dans le temps baisse, me dit que t'as un petit quelque chose. C'est pas assez. Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez c'estfou.ca. Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatic, la séquence se terminait avec le duo allemand La Floa Maldita et leur chanson Liaison Fatale de leur album Salut Jacques. À l'origine, soit en 1992, La Floa Maldita a été fondée par Guido Fric, ou si vous préférez Guido Le Fric, dans le but de composer de la musique de film. Mais rapidement, avec l'addition de la chanteuse Friederike Zattler, ou si vous préférez Réa, le projet a adopté la structure compositionnelle de la chanson. Et en début de bloc, vous avez sans doute reconnu Radiohead avec la pièce Climbing Up the Walls, ici remixée par le groupe britannique Zero Seven. La version originale de cette chanson est parue sur l'album OK Computer, qui célébrera son 20e anniversaire l'année prochaine. Les membres du groupe seraient apparemment en studio et travailleraient sur un 9e album à paraître éventuellement. Enchaînons maintenant avec une pièce de Portion Control. l'Electronic Body Music était à l'honneur durant cette séquence de deux pièces qui se terminait sur la musique d'Outjob et sa pièce Alternative Failures. Il s'agit d'une version de la pièce Failures qu'on peut retrouver uniquement sur l'édition vinyle du nouvel album d'Outjob intitulé Blend Work. Et avant cela, c'était le groupe britannique Portion Control qui sévit sur la scène de la musique électro-industrielle depuis 1980. De son plus récent album Pure Form, sorti en 2012, nous écoutions la pièce Point Blank. La conclusion de cette transmission 069 sera assurée par le duo français Complex, composé de Pierre Papalardo et de Sigma, qui nous interprétera la chanson « On s'est peut-être tué », extraite du seul album de ce duo, album qui est homonyme. Les électronistes espèrent que cette transmission 069 fut un plaisir auditif, bien entendu. Mais si jamais la fin de l'émission a sur vous l'effet d'un quit interrompu, alors nous vous suggérons de visiter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou afin d'avoir accès à des heures de plaisir grâce à l'archivage de toutes nos anciennes transmissions que vous pourrez dévorer une à une en différé à votre guise. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 070. D'ici là, voici comme convenu le duo français Complex avec leur composition « On s'est peut-être tué ». Bonne semaine musicale. We'll be right back.